dans son devenir, l'homme, quand que. Ça, c'est ce qu'est vide de mon cœur. Vide. Faut qu'il n'y ait rien ici. Pour que ça soit disponible à la canalisation, des fois, je donne rien. Des fois, elles descendent dans le canal, puis se manifestent. Mais si cette affaire-là est bourrée, ça bloque. Puis quand c'est bourré par des mécanismes vibratoires aussi forts que ça, cette affaire-là, ils ont beaucoup de difficultés à pénétrer. L'individu peut avoir de très bonnes intentions. C'est plein de monde qui a de bonnes intentions dans la terre, sur la terre. C'est plein. Les témoins de Jéhovah, c'est un exemple. Qui ont une très grande intention. Mais qui c'est qui est derrière le mouvement des témoins de Jéhovah? Ils savent-tu, donc? Oui, c'est une bonne idée, Jéhovah. Ils savent ce que c'est, Jéhovah. Ça va loin à faire. J'en ai fait une expérience avec qui, concernant? Le bénéfice de l'ego. Ça, c'est de la magie noire. Vous venez de l'exprimer. Il y avait des mères qu'on descendait un peu plus bas, là, puis il y avait une porte, puis c'était bien balancé. Là, à un moment donné, en descendant avec un mur, je me suis dit que l'autre, j'ai vu un personnage, là. Il était noir, il voyait juste le visage, deux mains. Puis quand on est monté dans le groupe, c'est ça, il avait vu un personnage, là, il me dit, t'es Dieu, puis là, là, c'était trop fort. Bon. C'est grave. Mais dans ce c'était pas comme conscient comme il l'a dit. Attends, pour moi, ça, c'est pas ce que ça C'est pas possible. C'est important que vous compreniez ces choses-là. Puis vérifiez par vous-même, pas par moi. Puis l'autre par vous-même. Par vous-même. Parce qu'une fois que je vous le dis, à ce moment-là, là, les autres, ils vont vous donner l'information. Mais tant que je vous le dis pas, ils vous diront pas parce que vous êtes soumis au niveau du mensonge cosmique, vous êtes tous pris en un bateau. C'est à cause de mon pouvoir vibratoire que vous pouvez ensuite par vous-même vérifier si c'est bien ça ou si c'est pas ça. Je vous ouvre des pas. Parce que c'est vrai, c'est qu'il dit là, parce qu'après, là, quand on a commencé les rencontres avec toi, là, avant le client, j'avais complètement perdu. Je ne pouvais plus voir les maladies des nerfs. Parce qu'il me l'avait fait comme ça. Il était comme glacé le nom, c'est carrière, ou bien écrit, il savait tout. Je ne pouvais rien vous dire. Et là, après, si la table s'est il y a tout ça comme ça, depuis que je disais, par exemple, c'est un trou, il y avait des gens qui étaient même, il y avait des gens la conscience supramentale, ça vous supporte, ouais. Ça vous donne de l'énergie, ça vous supporte. Dans des œuvres qui requièrent beaucoup d'énergie, ça vous supporte. Ça vous vide pas. Moi, plus je vous parle, plus je me remplis, plus je me remplis, plus je me vide pas. Alors, il faut faire bien attention. Puis ça, dans le monde occidental, ou surtout aux États-Unis, c'est très fort. Ça rentre au Québec, là. À plein train. La magie blanche, c'est une activité qui est contrôlée par les maîtres spirituels de l'évolution. La magie noire, des activités contrôlées par les maîtres noirs de l'évolution. Bon, ben là, on a un exemple de magie noire. Vous avez un exemple de magie noire? La magie blanche. La magie blanche, je vais vous donner un exemple de magie noire. La magie blanche. Comment ça s'appelle le frère André? Ouais. Ça, c'est de la magie blanche. Ouais. Nous. Les grands thaumaturges. Ouais. C'est les grands saints, on appelle. Oui. Ça, c'est de la magie blanche. Ça, c'est de la magie blanche. Ouais. Ça passe par eux autres. C'est ça part. C'est pas dans le domaine des pouvoirs. OK? C'est dans le domaine. D'ailleurs, il y a un nom pour ça. Il appelle ça des dons. Oui, les dons puis les pouvoirs. Ah, c'est un don. On ne fait pas accès à la foi. C'est lié à la foi, c'est lié à toutes sortes de facteurs. Mais l'homme a la vibration. Tu viens de dire que les thèmes personnels et technologiques sont au chemin pour ça. C'est ça. Ils peuvent faire certaines choses. Puis quand tu essaies avec d'autres, quand c'est lui qui vient de le faire, ben, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Ça ne marche pas. Puis ça ne marche pas. Il y a un temps que tu te rends compte que ça ne marche pas parce que lui, il ne faut pas. Si tu le fais à l'autre, c'est pour le réveiller, lui, ta conscience. C'est un don. Ça passe à travers les autres. Les grands saints qu'on connaît dans l'Église catholique, là. Ça, ça fait partie de la magie blanche. Et lui, il fait une fois qu'il est mort. Ben. Non, il y en a fait des choses. Il y a beaucoup qui ont fait des choses. Là, il servait de la porte. Mais ça fait vieux. Pas en perdant dans votre téléphone. Comprenez la différence entre les deux. Mais l'autre, elle s'appelle la parapsychologie, ça va être partie de ma mémoire. La quoi? La parapsychologie. La parapsychologie? Oui. La parapsychologie, ça fait partie de la science matérielle. Tout ce qui tend à donner à l'homme un pouvoir. Il faut faire attention. Les méthodes qui tendent à donner à l'homme un pouvoir. Parce que l'homme va chercher à dominer la situation. Surtout quand les méthodes sont dans le domaine du mental. Le mental de l'homme, l'esprit de l'homme, le mental de l'homme doit être vide. Puis au cours des années, c'est ce qui en arrive. Le mental est vide, l'énergie passe, puis elle canalise. Puis la relation entre l'ego est au niveau de l'âme, mais pas au niveau, c'est pas au niveau entre la personnalité et l'ego. Puis ça, je vous le dis parce que vous allez rencontrer du monde qui sera là-dedans. Puis ils vont vous dire, ah, ça c'est bon, c'est fantastique, ça. Puis effectivement, c'est intéressant. Lui, il disait, t'enlèves, t'enlèves la tristesse, là, au moins comme une personne. Lui, t'as mis dans ma tête, en dessous, et t'as coupé un peu. Et toi, t'as fait partie de mon enfant. Ben, elle est littéralement instantanée. Il lui dit, ben, je te demande beaucoup de choses. On dit, oui, c'est vrai, on demande beaucoup de choses. Faut t'en faire du moins. Ça fait partie de votre intelligence créative. Ah oui. Il y a une différence entre l'intelligence créative et l'écran mental. L'intelligence créative peut se manifester symboliquement dans votre mental inférieur. Mais c'est pas nécessairement votre écran mental. L'écran mental n'est jamais sous votre contrôle. Il semble être sous votre contrôle, mais il ne l'est jamais sous votre contrôle. Puis il y a une subtile nuance. Je dis à tout le monde, surtout ceux qui sont plus avisés, comme Guy Croteau. L'écran mental est contrôlé par les forces sataniques. L'intelligence créative est dirigée par les forces créatives. Mais sur le même plan vibratoire du mental humain. M'a fait une expérience. Essayez de vous imaginer une belle petite maison avec de la neige. Mm-hmm. Quand, par exemple? Oui, on y aime, non? Puis en même temps, en essayant de la garder, là, essayez de vous, de fonctionner au niveau de votre écran mental que vous faisiez durant la période de YouTube. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Comme essayer d'amener les deux images ensemble. Je peux faire. T'as pas capable de le faire? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois la première image sur là? Ouais. Si je fais un effort pour l'autre, je la vois pas. Si vous faites un effort pour l'autre, vous n'êtes pas capable d'avoir. Ouais, je vais être capable de défendre un niveau, tout ça, comme ça. Ouais. Je veux dire, ouais. Ma tante est noire, ma tante est noire. Quand vous descendez à vos niveaux? Ouais. Parce que ça, j'ai arrêté le temps, ça fait des noirs, là. C'est votre petite maison qui s'y arrive? Quand vous descendez à vos niveaux? C'est pas la peine de voir vous mettre. T'es pas capable de percevoir net. Pas aussi net que tout à l'heure. Non. Redescendez au niveau en haut. Et devenez après ça votre maison. Est encore moins clair? Comment est-ce qu'elle est? La nouvelle salle. Et quand je t'en ai nouveau, là, c'était ici. Nouvelle nuit. C'est pas pareil. Avec ça, ben, c'est pas ça que j'ai fait dans le monde. Moi, la projette, là. Mais avant juste la projeté, là, normalement, comme tantôt, là, c'est comme si c'était du film d'ici. On a des couleurs femmes. De chambre. Quand je descends les mots, c'est plus une saison au nord, là, le noir du soir, il mélangeait avec le noir sol à côté. Puis quand je reviens pour voir, toujours, on dirait que la couleur est moins aimée. Et là, faut que j'y attends pour la forcer. Pas pire forcer, dis donc, là, comme la première fois, la même maison. Bon, mais là, il paraît être clair. Okay. Il est comme un ciel, il est clair. Oui. Bon. Là, on va faire complètement l'opposé. OK? Prenez-vous l'esprit, là. Descendez à vos niveaux, là. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Là, c'est à remonter puis essayer de reconstruire votre maison, votre belle petite maison avec le ciel. La voix, là? On dirait que quand je remonte pour la regarder, elle est moins claire. L'ensemble. C'est dans ce sens-là. Comme là, vous avez deux champs de force. Oh, oui, bien, je vous avez un champ de force qui est sous le contrôle des forces négatives. Oh, oui. Un champ de force qui est sous le contrôle des forces créatives. Puis c'est ça de l'interférence. Quand vous commencez à jouer avec le champ de force, qui est lié aux forces négatives, éventuellement, vous remplissez tellement de la patente, c'est, qu'eux autres, ils ne peuvent plus pas. Puis les gens ne réalisent pas. Il y en a un, je ne sais pas, qui est ça, je ne sais plus que c'est tout. Il y en a un qui a fait ça l'autre fois, là. Il a voulu faire une expérience avec son écran, sa patente, là. Il m'a appelé. Ça marche pas. C'est lui? Bon, explique-le donc. Je te l'avais expliqué. Oui, mais à chaque fois que je le faisais venir, elle recevait un coup de poing. Oui. Et à un moment donné, je l'ai plus fait revenir. Ça marche. Il a compris le message. J'ai pas fait revenir rien, c'était, je venais juste de l'apprendre, de coup. Puis, à partir de ce temps-là, ça marchait plus. J'ai arrêté ça complètement. Je faisais seulement que la détente, point final, je faisais plus rien. C'est subtil, les choses de l'esprit. Mais d'abord, au cours d'une, quand j'ai fait le séminaire, on parlait des têtes au centre de la terre. Il m'a dit, parce que je les avais jamais dit, en tout cas. Je dis, sers-toi de mes yeux comme miroir, puis de ton écran mental. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est avec ton écran mental que tu peux aller voir. Mais en te servant de mes yeux comme miroir, ça te donne le pouvoir de pénétrer dedans sous mon contrôle vibratoire. De sorte que les forces peuvent jamais générer dans ton esprit un recul de temps. Parce que moi, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout parce que je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Mais quand je dis je ne voulais pas, c'est l'ego qui se refusait à ça. Parce que c'était pas en accord avec la lumière. C'est lié à la crainte, toute la patente. Mais le principe, c'est que si tu sers de mes yeux, tu sers de l'énergie de mes yeux. Oui. Mes yeux sont actifs si toi es plein. Oui. Quand tu sers de l'énergie de mes yeux, l'énergie peut plus revenir après. Tu peux descendre. Mais quand tu reviens, tu peux pas recevoir l'énergie. L'énergie peut pas te poursuivre après. Quand c'est fini l'expérience, c'est final. Parce que quand tu commences à descendre dans ces plans-là, l'énergie peut te revenir après. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu n'as pas le contrôle, quand t'es sensible, t'es manipulé. C'est ça. Ben, on t'envoie en bas à volonté. Oui. C'est pour ça que les gens qui jouent avec ça, les gens qui jouent là, avec toute la patente ésotérique et occulte, là, après ça, ils viennent te voir. Ils disent qu'ils ont seule expérience, ils ont la tête pleine de tout ça, de bébites, c'est tout ça. Mais j'ai compris. Oui. Vous allez dans les poubelles. C'est vrai. Non, on est dedans. Vraiment, juste parce que ça se dit, là, quand on était au final, moi, en même temps, on est plein de Là, que j'ai vu d'après, anciennement, où c'était ce qu'il y a, c'était à la même longueur. C'était à la même longueur d'onde. Moi, j'ai vu. Bon. Bah. Je pas le dire, là, parce que c'est Mais j'ai vu, mais je pensais, c'était à moi-même, par exemple. Parce qu'il fait une télépathie universelle, pis tout. Ce que je fais, c'est que, vu que les terrains, il y a deux mois, cette année. Mais par contre, à ce moment-là, je pouvais lui dire, j'embrouille quelque chose. Tous les hommes, l'ego de l'homme, oui. Les formes, tout ce qui est forme, oui. Tout ce qui est forme est sous le contrôle, l'empire des forces sataniques. Un homme qui est conscient, là, qui crée une pensée forte, il y en a-t-il qui sont voyants, ça, tu peux voir, mes énergies? Ben, tu crées une pensée forte, t'as détruit. Aussitôt que tu crées une pensée forte, t'as détruit. Regarde dans ton mental, mon mental, tu vas voir que quand je parle, je crée des pensées fortes, puis automatiquement, j'ai détruit. Ils viennent, ils partent. Il n'y a rien qui reste. Parce que j'ai pas de mémoire. C'est ça qui est doré. Fait que j'accumule rien, moi. C'est toujours clean, ma poubelle. Et vous autres, vous accumulez. Alors, l'ego fonctionne comme ça. Parce que moi, c'est toujours clair. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mémoire. C'est pour ça que je pense pas. J'ai pas besoin de penser. Fait que je crée jamais d'égrégore. Mais les gens, à tous les niveaux, avec les meilleures intentions au monde, travaillent avec des forces, puis ils ne savent pas, puis ils ne réalisent pas. Surtout ceux qui sont savants dans l'ésotérisme. À moins qu'ils travaillent dans des... qui s'avancent dans un ésotérisme qui est protégé par certains rayons. C'est pour ça que j'avais aussi le... C'est pour ça que j'avais aussi le... C'est pour ça que j'avais aussi le... C'est pour ça que j'avais aussi le... C'est pour ça que j'avais aussi le... C'est pour ça que j'avais aussi le... et que j'ai voulu ramener encore. J'ai défendu ma mère, je ne sais pas. Pas trop. J'ai défendu de nouveau, à nouveau, et j'ai demandé les assistants de penser à batterie. Une petite d'adrénaline pour le maître. Je veux dire, ça n'a pas de bon temps. Il avait tombé dans le coma, puis il était employé de la mort, on lui avait dit, les deux enfants, les femmes, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Puis, on a dépassé les lois, quand c'est faux. On n'avait pas d'affaires, là. Puis moi, on m'a donné une bonne réponse quand j'étais tout malade. Je disais, ma résistance, là, hein, ça a tombé. Puis, comme ça, on m'avait dit, t'as pas le droit de passer ça, t'as pas le droit de prendre la vie de l'autre personne, de faire, pourquoi tu t'es pas dit, t'as pas le droit de faire ça. Ça, je l'ai compris parce que, j'ai failli de dire, ben, toi, je meurs. Ouais, mais ça, c'est style. Regarde ça, c'est style. On va te montrer comment est-ce que c'est style. Sais-tu pourquoi est-ce qu'ils t'ont dit ça? Ils t'ont dit ça pour conserver ta faculté. Ah, ouais. Comment est-ce que c'est? Mente-toi les mentalement, là. Pour conserver ta faculté, pour que tu puisses continuer à fonctionner de même. Ouais. C'est pour ça que dans la magie noire, ce que les gens comprennent pas, c'est que dans la magie noire, le plus grand outil, c'est le bien. Ben oui, ça le bien. Eh oui, quand ils vont faire la grande fête de bien, les gens vont faire. Tu vois? Ils vont pas faire du mal à du monde, au monde. Non. Parce qu'eux autres, les autres clients, sont pas intéressés à ce qu'une personne fasse du mal à une autre personne. Ils sont intéressés à dominer l'esprit de l'homme. Parce que quand ils dominent l'esprit de l'homme, ils sont capables de maintenir sur le plan humain l'ignorance. Et l'ignorance, regardez. L'ignorance, pour dire, on ne comprend pas ça parce que c'est l'ignorance, on pense que c'est d'être cupide. C'est pas ça l'ignorance. Tu peux être bien intelligent avec l'ignorance. Être ignorant, c'est pas comprendre les lois de la lumière. Vous êtes ignorant. Automatiquement, si tu ne comprends pas les lois de la lumière, tu descends, puis éventuellement, tu es whippé, les lois de la lumière. Puis les autres qui sont ces autres-là vont te manipuler. Mais ils vont se servir des bonnes intentions. Quand je vous dis en conférence, si jamais Satan vient, il va venir habillé comme Michel Archange avec un rôle. Oui, venir. Il ne va pas venir avec. Non. Non, c'est ça. Ah, c'est subtil de même. C'est vibratoirement. C'est vibratoirement que tu peux déceler si une action est manifestée ou sous le contrôle des forces retardataires ou sous le contrôle des forces de lumière. C'est pour ça que on peut pas se fier à ce qu'on appelle, nous autres, le spirituel, les anges. Parce que le spirituel peut aussi bien servir les forces noires que les forces spirituelles. Pour qu'un homme en arrive à être totalement sûr de lui-même, il faut qu'il soit au-delà, au-dessus du monde spirituel pour être en contact direct avec la hiérarchie des forces de lumière. Puis ensuite, veiller à ce que les activités qui sont perpétrées par les forces spirituelles soient reconnues ou les activités perpétrées par les forces des ténèbres soient reconnues. Oui, je sais présentement qu'il y a des forces retardataires qui veulent s'infiltrer parmi vous autres. Puis ils vont se servir de telle personnalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Toujours sous l'égide d'une forme spirituel, hautement spirituel, que l'homme considère hautement spirituel. C'est par vibration interne que vous pouvez de savoir. Personne de mort, ça arrive, tu vois, il y a travail, moi, je pense que... On se les connaît. Je les connais depuis longtemps. Bon, vous allez voir, donner quoi? Genre, rien, ça aide à votre évolution. Bon. Ça aide à votre évolution. Je troublerai même pas les autres, ça. Je peux rencontrer cette personne-là, puis je vais m'en parler à cette personne-là comme si rien n'était. Elle sera même fuck, je le sais. T'en traques pas ton travail? Non, y a rien qui prendrait mon travail. Ça peut créer bien l'intention du monde. Oui, on peut marcher. Mais l'idée, ça serait-tu d'arrêter pour que les gens te connaissent de tes enfants ou t'écoutes de tes enfants pour arrêter une certaine égoût de cours dans ton travail? Une idée quoi? L'idée de ça, des fois, pour être intégré au travail. Nous autres, tu pouvais m'empêcher que... Ben, retarder l'évolution de ton travail. Ils vont se servir d'une autre forme de spiritualité pour juger de la façon dont je fonctionne. Tu vois aussi bien la personnalité de l'être qui leur sert, sans le savoir. C'est seulement par vibration que vous pouvez savoir. Mais moi, personnellement, je laisse ça aller, ça me dérange pas. C'est subtil. Que ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Parce que je représente trop d'énergie contraire. Faut qu'il y ait un combat, il y a toujours un combat. J'ai pas le temps de venir avec toi. Non, j'ai pas le temps de... Une journée, t'as pas le droit de vous donner. Fuck, vous avez pas appris quoi, c'est à vous autres de savoir. Tout d'un coup, qui ont raison, puis moi, j'ai pas raison. C'est vrai. Vous êtes bien pris? Il faut par vous autres. Moi, je suis bien consistant dans ma folie. Tu peux me dire des affaires qui n'est pas vrai. C'est juste pour nous autres, vous en dire à autre chose. Je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Je suis pas mal finant. Il y a quelque chose qui m'intéresse en ce qui vous concerne, c'est votre propre autonomie, votre centricité. Les gars comme Bessette, c'est assez difficile de les jouer ça. Heureusement, je lis sur mon bord. Bessette, dit que c'est tout. Vous autres, c'est facile de vous manipuler. Vous êtes en gros... Manipulable. Les bassettes, là. Le verre qui check dans la garde. Ces gens-là représentent pour vous de la sécurité. Moi, je suis pas là pour vous représenter de la sécurité pour vous autres. Je suis là pour vous donner de l'information, de l'instruction. Et vous devez vivre votre expérience. J'ai rendu que c'est Bessette qui me compte ma vie. Mal ça va. On va pas trop loin, ben. Mais toutes tes affaires. Mais je vous. Est-ce que. Ok. Mais c'est Bessette, là. Bon mot, ça fait. Bon, moi, vous connaissez, M. Bessette. Il y en a qui. Fait que ça, c'est pour vous autres, c'est un point de référence humain. Qui est comme tu dis, quand on parle avec c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait rencontrer les lards. C'est la veille. Jamais M. Bessette va me dire d'adhérer au contraire, il m'a toujours à son idée. C'est ça. c'est un signe de l'homme conscient? Oui. Alors, dans la famille,